Je vous ai connu, dit-elle, plus généreux. Vous parliez de 300 000 francs, comme en parlent les grands seigneurs. Crevel regarda Madame Hulot. Il la vit comme un lys sur la fin de sa floraison. Il eut de vagues idées, mais il honorait tant cette créature qu'il refoula ses soupçons dans le côté libertin de son cœur. « Madame, je suis toujours le même, mais un ancien négociant et doit être grand seigneur avec méthode, avec économie. Il porte en tout ses idées d'ordre. On ouvre un compte aux Freden, on les crédite, on consacre à ce chapitre certains bénéfices. Mais entamer son capital, ce serait une folie. Mes enfants auront tout leur bien, celui de leur mère et le mien. Mais ils ne veulent sans doute pas que leur père s'ennuie, se moignifie et se momifie. Ma vie est joyeuse. Je descends gaiement le fleuve. Je remplis tous les devoirs que m'impose la loi, le cœur et la famille, de même que j'acquittais scrupuleusement mes billets à l'échéance. Que mes enfants se comportent comme moi dans mon ménage, je serai content. Et quant au présent, pourvu que mes folies, car j'en fais, ne coûtent rien à personne qu'au gogo, pardon, vous ne connaissez pas ce mot de bourse, ils n'auront rien à me reprocher et trouveront encore une belle fortune à ma mort. Vos enfants n'en diront pas autant de leur père, qui carambole en ruinant son fils et ma fille. » Plus elle allait, plus la baronne s'éloignait de son but.